Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gemouzo 107 FM pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur votre radio Stefano Romarimontaine préféré. Et pour cette édition de ce soir, on va partir dans le rock, dans le festival bien entendu, avec les Sapins Barbus pour leur 5e festival. Et j'ai avec moi de l'association Didier, Thibaut et Jérôme. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Et forcément, comme on parle de musique, les auditeurs commencent à être habitués. J'ai forcément quelqu'un avec moi. Tu dis bonjour ? Bonjour à tous. Vous l'avez compris, c'est Mika qui est avec nous. Et si un auditeur a envie de réagir en live ou de passer faire un petit coucou en pleine émission, n'hésitez pas. Vous pouvez nous appeler au 03 29 62 40 40 ou simplement sonner à la porte. Ça fait toujours plaisir. Donc, comme je le disais, on est là pour présenter le Sapin Barbu Festival pour sa 5e édition qui aura lieu les 17 et 18 août 2018 à Dommartin-Lire-Miremont. D'ailleurs, on s'était déjà vu une première fois cette année pour les 48 heures Copo qui ont lieu du 30 mars au 1er avril. L'émission a eu lieu le 23 mars. On va y revenir rapidement, je pense, pour faire un petit topo de comment ça s'est passé depuis. Mais bon, si on est surtout là, c'est pour faire de la zik, hein, bien entendu. Comme c'est un festival musical, on est là pour passer ça et surtout du rock, vu que c'est ce que vous organisez. Ce que vous faites, ça y est, je m'en mêle déjà les pinceaux. On a commencé à peine 2 minutes et ça y est, Lou finit par s'en mêler les pinceaux. Donc je disais, c'est un festival de rock parce que c'est une association qui met vraiment en avant le rock et tout ce qui va avec. C'est bien ça, Jérôme ? Oui, le rock et les Vosges, c'est les principaux moteurs de l'association. En fait, c'est les deux choses qu'on met le plus en avant, ouais. Et là, vous en êtes à votre 5e édition. Alors, je me suis peut-être un petit peu paumée dans mes notes. Je ne me souviens plus depuis quand l'association existe, mais depuis plus de 5 ans, si je ne m'abuse. Elle existe depuis le 8 février 2014, exactement. Donc, ça fait 4 ans. Mm-hmm. Ah, donc, vous aviez déjà commencé à faire les festivals avant... En 2014, on a créé la première édition. Vous aviez créé cette édition par volonté de ramener de la musique rock dans la plaine vosgienne. C'est ça, le festival il a été créé simplement par un besoin de notre part de voir un festival rock. Donc avec aucune autre ambition que d'amener ce style de musique sur la commune au départ. Les ambitions ont évolué au fur et à mesure des éditions. Mais vraiment, la première ambition, elle était là. Simplement, amener le rock à Dommartin. Amener le rock à Dommartin. Ah, ça y est, on a Nico qui arrive dans nos locaux. Comme ça, l'équipe de l'émission précédente est au complet. Et vous savez quoi, on va peut-être se passer un premier morceau, vu que bon, forcément, on a beaucoup, beaucoup de morceaux à passer. Et donc, le premier, si je regarde un petit peu dans mes notes. Alors, c'est pas les Ribala Souls, c'est Dog and Styles, The Best of Me. Donc, on va s'écouter ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemouzo. We'll be right back. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et si vous voulez réagir, mais ça je le répéterai, je pense pas après chaque pause musicale comme il y en a beaucoup, vous pouvez toujours écrire sur la page Facebook Radio Gamozo ou nous appeler au 03 29 62 40 40 ou même faire un coucou directement dans nos studios, c'est tout à fait possible, bien entendu. Vous venez à l'instant d'écouter le morceau The Best of Me de Dog and Style, qui sera un des nombreux groupes qui passera sur la scène des Sapins Barbus les 17 et 18 août à Dommartin-lès-Remiremont. Et forcément, vous en doutez, je suis avec les Sapins Barbus et Nico s'est installé. Donc bonjour Nico. Salut tout le monde. Alors oui, on a un petit peu présenté rapidement, parce que comme on a beaucoup de musique à passer, on va aller quand même assez brièvement, rapidement, en espérant aussi pouvoir laisser la parole à tout le monde, bien entendu. Jérôme, tu me disais un petit peu plus tôt, c'est la 5e édition. Ah, forcément, qui dit 5 éditions, il y en a eu d'autres avant. Comment ça s'était passé? Mais enfin, les autres aussi peuvent répondre, hein. Plus comme ça. Ça s'était très bien passé, puisqu'il y en a une 5e. Mais disons que c'est l'année la plus enrichissante qu'on ait passée. Là, c'est l'année où on a mis le plus de choses, là. C'est l'année où il faut venir, en fait. Parce qu'il y a le 48 heures copo qui est passé par là ? Non, même pas. C'est juste que c'est l'année. D'habitude, en plein milieu d'année, on prépare l'année suivante. C'est-à-dire que normalement, là, on préparait déjà bien l'année, la 6e édition. Là, on peut même pas. On n'a même pas le temps. On met énormément de choses. On met énormément d'énergie, de temps, de folie, d'argent. Mais on met tout dans cette 5e édition. C'est l'année qui nous demande le plus de travail. C'est l'année charnière, encore une fois, c'est toujours l'année charnière de toute façon. Mais là, c'est une année où on va se poser, clairement, où on pose les bases du festival, la 5e édition. C'est l'année où on va être enfin très fiers d'avoir le festival comme on voulait. Ça fait 5 ans qu'on travaille pour cette 5e édition, en fait. Parce que vous avez année après année modelé le festival un petit peu plus. Exactement. En fonction de vos envies. Parce que j'imagine que vous avez tous pris du galon, ou vous aviez aussi moins de moyens qu'à l'époque pour réaliser vos envies. Enfin, je sais pas, Didier, qu'est-ce que on tu... On était moins rodés, quoi. On n'avait aucune expérience. Et puis, du coup, à force de faire, on fait les choses de mieux en mieux. Non, et puis au-delà de ça, on voulait depuis trois éditions, on voulait un festival atypique, avec que du bois, mettant en avant le plus possible les Vosges et son patrimoine. Là, c'est enfin le cas. Là, on n'a plus une scène qui est faite par des remorques de camions. On a enfin deux grosses scènes en bois, dont une qui est en train de se faire. Ça va faire un mois qu'on est dessus. C'est une scène de 18 mètres de haut, 16-17 mètres d'ouverture. Truc inédit, on n'a jamais vu ça, des bénévoles qui fabriquent eux-mêmes une scène de 18 mètres de ouf, il faut être complètement malade. Donc, et là, voilà, on a enfin le festival dont on rêve depuis un bon moment, quoi. Et oui, c'est comme ça que vous allez avoir dans quelques semaines, hein, 2 semaines et demie, si je... Oui, 3 semaines. Vous allez voir votre rêve devenir réalité. C'est une première aussi que le festival se fasse sur 2 jours, ou ça a toujours été le cas ? Oui, c'est une première, oui. Ouais. Ah bah dis donc, il y a énormément de groupes, en effet, 12 groupes passent, donc on a encore énormément de choses à se dire. Mais avant qu'on passe la pause musicale suivante, j'ai envie de revenir rapidement sur les 48 heures copo, parce que je pense que les auditeurs s'en souviennent aussi un petit peu. Donc les 48 heures copo, ça avait lieu du 30 mars au 1er avril. C'était pour un petit peu la construction, la préparation du festival, je ne me trompe pas, Nico ? Bah que les auditeurs s'en souviennent, ça nous fait plaisir. Nous, en tout cas, on s'en souvient très bien. Oui. Ça a été une organisation assez lourde, finalement, pour un objectif de rentabilité. Et on a atteint des objectifs, on n'en a pas atteint d'autres. En tout cas, ça reste une expérience qui a été assez extraordinaire et qui a mis un bond en avant dans la technique et la fabrication en général de tout le festival. Et on a été, en tout cas tous, très fiers. Si on mesure la fatigue à la fierté, on était très très très fiers après les 48 heures. Et on espère que ça a marqué les esprits des gens qui ont participé autant que ça a marqué les nôtres. Et tant qu'à faire, parce que moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était l'annonce de cet item inédit, item entre guillemets, le gros dôme en bois géodésique. Alors, est-ce que ça a eu pu être réalisé, ou est-ce que ça fait partie des projets à venir finalement ? C'est là où il y a des choses qui se sont bien passées et d'autres moins bien. Le dôme, c'était un projet assez merveilleux qu'on ne sera pas capable de faire cette année. on a cru longtemps, on a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir le faire, et on s'est rendu compte après coup que même si on a pris beaucoup d'expérience, on n'en avait pas encore assez pour faire ça en un an. Donc c'est un projet qui est reporté pour l'année 2020. Alors on prend le temps cette fois-ci de bien organiser les choses, d'être carré sur tous les niveaux, d'avoir pas l'ombre d'un doute sur la moindre chose, et le faire comme il faut, parce que c'est un projet qui, à la différence de ce qu'on fait cette année et ce qu'on faisait jusqu'à présent, restera, il sera pérenne. C'est beaucoup, beaucoup plus complexe que de faire une construction amovible. Donc on prend le temps de bien faire les choses, et c'est pas pour l'an prochain, c'est pour encore l'année d'après, et en 2020, on aura donc le plus gros dôme géodésique en bois du monde. Et on sera encore plus content que d'habitude. Et donc la décision, elle a été prise en mai de ne pas faire le dôme, et début juin... On a pris, il a fallu, avec la production de l'association, décider de qu'est-ce qu'on fait. On loue une scène, ou alors on en fabrique quand même une autre. Donc, début juin, on a pris la décision d'en fabriquer une autre, qui fait quasiment la même taille que fera le dôme, donc il fait 18 mètres. Ouais. Donc, on a pris la décision début juin. Pendant un mois, on a trouvé des partenaires, des financements, etc. Et le mois d'après, on a lancé la fabrication. En un mois, voilà, je le répète, mais en un mois, on a fabriqué une scène... Une scène capable d'accueillir quasiment n'importe quel artiste national, international, extraterrestre. Bon, il faut déjà être même bien frappé pour avoir l'idée, et tu l'as dit, hein, vous l'avez eu, vous l'avez fait. Et ce que ça aide bien que le dôme ne soit pas encore construit, c'est qu'il sera construit pour plus tard. Donc la scène du festival continuera à évoluer pour les années à venir. C'est capital. Donc j'ai pas spécialement de pourquoi à ce niveau-là, parce que tu as répondu. Mais pourtant c'est un petit peu le titre de la pause musicale suivante, Why de Nashville Pussy, qu'on s'écoute tout de suite. Et on se retrouve juste après sur Radio Gamozo. De retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et on est toujours avec Didier, Thibaut, Jérôme, Nico et bien entendu Mika pour le sapin Voilà, je vais y arriver. Les aléas du direct, donc, pour le Sapin Barbu Festival, pour sa 5e édition. Bon nombre de... Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes de rock. Bon, de toute façon, c'est un festival, comment dire, orienté rock, bien entendu. Mais ça, c'est, on va dire, la vertu ou l'angle d'attaque des Sapins Barbus. D'ailleurs, je me rends encore compte que je suis la seule à ne pas être barbue dans le studio. Ça va devenir agaçant, hein. Il faut faire quelque chose aussi. Encore heureux pour toi aussi. On va essayer après, je vais finir en mode barbe bleue. Mais bon, et donc on a écouté à l'instant YYY de Nashville Pussy, toujours hein, dans la bonne humeur. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé de la programmation de l'ordre, enfin on a encore beaucoup beaucoup de choses à aborder. Est-ce qu'on va aborder, oui, le lieu. Alors déjà, j'ai regardé, ça se passera comme pour les 48 heures copeaux sur la zone de la Bruche à de Martin-Lire-Mirmont. Donc il y a deux scènes, dont une qui est encore en construction. Enfin, il va y avoir deux scènes pour tous les 12 groupes à accueillir. Et question de lieu, c'est un festival qui dure deux jours. Comment ça va se passer pour les personnes qui vont rester deux jours? Est-ce que je peux peut-être laisser la parole à Thibaut qui n'a pas encore parlé? C'est gentil. Alors les personnes qui restent deux jours, bien sûr il y a un camping comme l'année passée. Seulement cette année on met à disposition aussi une restauration, une buvette, des douches sur le site du camping. Donc on est fin prêt pour accueillir tous nos festivaliers pour deux jours, tout le week-end. Et une troisième scène du coup. Et oui aussi, une troisième scène sur le camping pour des petits groupes qui vont passer, des groupes tout court d'ailleurs, qui vont passer l'après-midi du samedi. Ah bah dis donc, et en parlant manger forcément, c'est la question que je pose toujours quand on reste... Pourquoi elle me regarde? Non, pourquoi elle me regarde quand elle parle de manger? Elle m'a regardé. Elle m'a regardé. Elle t'en brise. Parle doucement, barbe bleue là. Je pose toujours la question quand il y a un événement ou un festival. J'imagine qu'il y a à manger pour des régimes alimentaires différents, donc sans gluten, musulman ou végétarien bien entendu. Non. Non. Non, il y a évidemment plusieurs styles de régime alimentaire, mais il y a végétarien et on va dire et ordinaire quoi. Disons cela comme ça. C'est-à-dire nous mettons à disposition des burgers entièrement de produits locaux, même plus que locaux, ils sont entièrement de produits de Dammartin. Mais une tofaille et une tofaille végétarienne. On met même pour les véganes une soupe. Fait de la soupe et barbecue, sandwich parisien, tout ça. Pour l'instant, on n'en est pas à... On essaye de faire évoluer ça au fur et à mesure, mais on n'en est pas à faire encore de la nourriture sans gluten, etc. Et pour tout type de religion, c'est encore pas possible tant que nous faisons tout nous-mêmes. Et le problème qu'on a pour l'instant, c'est que dans un festival comme le nôtre, qui coûte très cher, coûte beaucoup plus cher que des autres festivals du coin, parce qu'on fait toutes les infrastructures nous-mêmes déjà. Donc le problème qu'on a, c'est que notre première rentrée d'argent, c'est la nourriture et la boisson. Si on commence à aller voir des partenaires extérieurs pour nourrir les festivaliers, déjà qu'on se fait pas énormément de marge sur un autre festival, ce que je dis souvent, c'est qu'on se fait plus de marge sur un loto que sur notre festival. Si on commence à déléguer ça à des gens de l'extérieur, notre festival il meurt tout de suite. Donc pour l'instant, on continue à subvenir à ça nous-mêmes. Et peut-être dans quelques années, à partir du moment où toutes nos infrastructures seront faites et qu'on se concentrera peut-être plus sur de la scénographie, sur ce genre de choses, on pourra permettre à d'autres entreprises extérieures de venir nourrir les festivaliers, oui. Mais pas pour l'instant. Mais par contre, ce qui est sûr, qui restera pour tous les festivals, la chose pour laquelle vous ne ferez pas appel à des partenaires externes, c'est pour la bière Sapin Barbu. Évidemment. Évidemment. Non, ça, en plus, elle va se développer, puisqu'on va, on va essayer d'en créer une deuxième. L'année prochaine, elle sera à vendre dans les commerces environnants et dans les bars. Et ça, c'est une de nos plus grandes fiertés, et c'est ce qui nous... ça fait parler de nous partout, ça, cette chose-là. Et nous, on boit même plus que ça, quasiment. Sauf quand on travaille, parce que sinon, on a un risque de décès prématuré. Mais oui, c'est une de nos plus grandes fiertés de l'édition précédente. Ouais. La bière enfin créée à notre nom. Et on va développer ça sur d'autres supports l'année prochaine. J'en dis pas plus. Non, mais on a hâte de voir ça et je suis sûre que les auditeurs ont hâte de la goûter. Toujours pour le festival des sapins barbus les 17 et 18 août à la zone de la Bruche à Dommartin-Lire-Miremont. Et puis oui, comme je disais, hein, la bière sapin barbu, c'est un petit peu votre marque de fabrique ou votre patrimoine en fait, c'est votre patrimoine associatif. S'il y a autre chose qui est patrimoine, c'est la chanson En rouge et noir, vous voulez l'écouter ? Elle est patrimoine celle-là. Non, je déconne, c'est pas celle-là, c'est le morceau plutôt Le rouge et le noir du groupe Acme qui passera encore sur vos scènes. On va s'écouter tout de suite et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. La joie, je ne vois que souffrance et peine, même ceux qui croient encore prient pour leur salut. Il n'est que espoir et rêve, il n'est même peut-être plus. Les temps sont durs et le pire reste à venir. Pourquoi subir? Je ne comprends pas. Donner la vie si c'est pour périr en enfer. Goutte de sang, le noir pour chaque douleur, mais pourquoi donc toutes ces épreuves? Je ne saisis pas, je ne comprends pas. J'ai vu la vie comme le plus beau cadeau qui soit, mais j'ai changé. J'ai cru pourtant mes prières pour voir enfin la lune. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et toujours hein, avec les sapins barbus, donc Didier, Thibaut, Jérôme et Nico et Mika qui allaient chercher de l'eau parce qu'il fait chaud dans nos studios. Vous avez écouté à l'instant le morceau Le Rouge et le Noir du groupe Acme. Et d'ailleurs, tiens, je me rends compte qu'on a, on a parlé d'aucun groupe en fait. Parce que tous les morceaux que je passe, bien entendu, sont des groupes qui vont passer dans nos studios. Oui, Mika fait doucement. Mais ça va aller, hein. C'est toujours les aléas du direct. Et oui, donc on a parlé d'aucun groupe, on les a pas présentés plus que ça, mis à part que leur point commun à tous, c'est qu'ils font du rock, mais il y a différents des groupes de rock très différents. Alors qui se sent de parler d'un ou deux groupes ? Moi, bien sûr. Ouais. Moi, programmateur Sapin Barbu, yes. Didier Surmeli, en collaboration avec Yannick Poisson qui nous écoute. Alors, bonjour, on peut peut-être commencer par le premier qu'on a écouté, Dog and Style. Dog and Style, bah, c'est un groupe d'Épinal, de la Souris Verte, des gars qu'on connaît bien, des amis à nous aussi, qui font du rock alternatif, stoner, un peu grunge, Et puis voilà, qu'on a déjà accueilli la troisième année, la quatrième année l'année dernière, voilà, et qui reviennent pour la cinquième édition. Oui, parce que pour la cinquième édition, on a choisi de faire aussi revenir un groupe qui est passé à nos anciennes éditions. Donc pour la première édition, nous avons dédié 58 Shots, la deuxième Belfort, la deuxième Snapboarder de Nancy, la troisième Dick Tracy Lord de Paris, il est bon. Et la quatrième Dogenstage, voilà. Donc un groupe de chaque édition précédente reviendra pour la cinquième. Ah bah, ça permet de fêter la cinquième édition aussi avec tous ceux qui ont, enfin des groupes qu'on a adorés, notamment aussi pour leur accueil, leur sympathie, de fêter avec eux le travail, la cinquième édition simplement quoi. Simplement. C'est des groupes qui ont un bon esprit, on a adoré les programmer, travailler avec eux, puis. Et d'ailleurs, comme le festival est sur deux jours, vendredi et samedi, donc Dog and Style, on l'écoutera plus vendredi ou plus samedi ? Plus vendredi, oui. Oh. Mais voilà. C'est pas tout, parce qu'il y a quand même 12 groupes au total qu'il va falloir présenter, ou du moins qu'on va présenter autant que possible. Alors, je regarde le programme. Non, ça va, on est un peu large si jamais on dépasse. Donc, le groupe suivant qu'on a passé, c'était Nashville Pussy. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet ? Alors, Nashville Pussy, ce sont des Américains de Géorgie. Atlanta plus précisément, et puis ils font du rock entre hard rock, un peu accent punk rock, c'est du gros rock and roll qui tâche, oui, c'est ça. Assez dirty rock and roll comme ils aiment le dire par eux-mêmes, et puis on est super fiers de les programmer parce que c'est une de nos trois têtes d'affiche cette année, voilà. C'est avec très Alstor. Impressionnant pour nous, ouais. Ouais, ouais. C'est un gros nom qu'on ramène d'outre-Atlantique quoi. Et vendredi ou samedi à Nashville, c'est samedi, c'est vendredi, vendredi 17. Oui, parce que ça, on parlera des horaires d'ouverture et de fermeture du festival un petit peu plus tard, hein, mais on va passer à la troisième pause musicale qu'on a écoutée, c'est le groupe Acme, qui d'ailleurs, il me semble, est français, non ? Et français, ouais, ils sont français, ils viennent de Paris, quoi. Metal alternatif, plus de 20 ans d'existence, un gros nom de la scène française, encore une fois. Donc vous faites, quand même, je me rends compte déjà d'après les trois groupes qu'on a écoutés, il n'y a pas que du rock, hein, ça va jusqu'au métal et c'est dans différents panels, donc alternatif ou plus traditionnel, vu qu'il y a un groupe qui fait du AC/DC cover, donc c'est vraiment c'est un festival de rock, mais très varié quand même dans la variété que présente le rock. C'est ça, c'est très diversifié, on ne veut pas s'attacher juste uniquement à un seul style. On essaie de toucher un public assez large, et c'est pour ça qu'on ramène plusieurs styles. Au-delà de toucher un public assez large, on programme ce qu'on aime, nous. On ne fait pas du marketing aussi, là-dessus. Ouais. Alors qu'on programme déjà les groupes qu'on aime, on fait déjà un festival qui nous ressemble, et après, le marketing, c'est un habillage, mais nous, on fait déjà ce qu'on veut. Quoi. On le fait pour nous, quoi, à la base. Quoi, déjà. Moi, quand je me dis qu'on fait venir Acme, qui est un groupe qu'on écoutait quand même quand on était gamin, quand on était au collège, voilà. Comme Massisteria l'année dernière. C'est juste extraordinaire de se dire qu'on a réussi à faire en sorte que des gens dont on était fan, et dont on est toujours fan, qu'est-ce que je dis dont on est fan depuis longtemps, ils viennent sur nos planches à nous. Quoi. C'est une très grosse source de fierté. Ouais. Ouais. Donc oui, c'est un panel rock, mais on n'est pas un festival de musique extrême. Quoi. On laisse ça à d'autres qui le font très bien également. Ce n'est pas notre style de musique à nous. Oui. Même si on va jusqu'au métal, on va dire métal... Hard rock, ouais, folk metal, metal quoi, ce genre de choses. Ça reste très accessible. Voilà, c'est ça. Ça reste festif et c'est pas poussé à l'extrême, c'est pas du death metal et du black metal, sans cracher non plus sur le style. Non, bien sûr, aussi, mais c'est quoi, pas... On essaye de... C'est pas l'identité du festival. Voilà, on essaye de garder... Et l'identité d'ailleurs, elle est même, parce que je peux peut-être poser la question pour les auditeurs qui sont peut-être parents, c'est un festival plutôt familial ? Oui, bien sûr. Totalement, ouais. Complètement. Il y a toujours des familles qui viennent plus en début de soirée, évidemment, parce qu'ils viennent avec les enfants, tout ça. Mais oui. C'est un festival accessible à tous, jusqu'au PMR. On a une estrade PMR pour personnes à mobilité réduite. Le festival en est complètement accessible. Donc le festival, il est vraiment accessible à tout le monde, même aux fans de musique extrême. Mmh. Ils peuvent. Oui. Ils sont les bienvenus, bah oui. Même aux fans de reggae. Oui, même aux fans de rap, de techno-dance, de tectonique, de techno... C'est un festival qui met, au-delà de la musique rock, comme je disais, c'est un festival qui met le patrimoine vosgien en avant. Oui. Donc, ne serait-ce que pour découvrir un petit peu une ambiance un peu différente d'un autre festival qui peut se faire à côté, c'est intéressant dans tous les cas de venir dans un milieu un peu dépaysant, quoi. En un seul mot. Voilà. C'est pas un milieu de pécor, Nico. Non, mais j'ai compris, je me sens tout de suite visé. Non, mais qu'on soit d'accord. Alors, dans un cadre inédit, puis merveilleux, n'ayons pas peur du mot. Un cadre merveilleux. Oui, pardon. Oui, Nico. T'as dit merveilleux ? Merveilleux. Ah, non, ce que j'avais compris. Non, mais c'est bien. T'avais compris magnifique ? Oui, de base, mais ça passait aussi, donc c'est bon. Somptueux. Jérôme, tu disais, c'est la découverte du patrimoine vosgien. Est-ce qu'il y aura des groupes vosgiens qui vont passer ? Bien sûr, ne serait-ce que ce que Thibaut disait tout à l'heure sur la scène du camping, c'est trois groupes vosgiens. Après, comme on l'a dit, Dog and Style, c'est un groupe vosgien aussi. Stone Deaf, c'est un groupe vosgien. Il y a toujours des groupes locaux dans notre festival. Tant qu'on peut le faire, on le fait, évidemment. Pour l'instant, le festival, il risque, sur sa structure, de continuer comme ça, de pérenniser, si tout va bien, encore quelques années, avant qu'on passe sur 3 jours, 4 jours, 5 jours, et puis quelques mois. Mais pour l'instant, voilà, on peut se permettre d'accueillir des groupes locaux, et on le veut, c'est évident. Oui, parce que ça, c'est ce que tu l'avais bien dit aussi dans l'émission qu'on avait fait le 23 mars. Hein, j'ai tout bien noté, que c'est vraiment la mise en avant de groupes locaux. Et s'il y a un groupe entre guillemets local, alors c'est pas de notre département, mais d'un département voisin, si je ne me trompe pas ici. Mais c'est un groupe local. Oui, c'est des Bisontins. C'est 58 Shots qu'on va s'écouter tout de suite avec leur morceau « You Don't Mess With the Lion ». Bon. Je pense que vous avez compris. Ils sont pas bisontins, ils sont belfortins. Ils sont locaux de chez eux, donc ça va. Ils sont locaux de chez eux. Ça marche. Non, on s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. Small town, I'm Et vous êtes de retour sur Radio Gemouzo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. C'était un extrait de You Don't Mess With The Lion de 58 Shots. Toujours hein, dans l'émission consacrée au sapin barbu pour leur cinquième festival qui a lieu du 17 au 18 août, pardon, à la zone de la Bruche à Domartin-Lermiremont. Donc bon, vous l'avez bien entendu avec les pauses musicales qu'on passe. C'est rock'n'roll. Et Didier, comme tu es à la programmation, ouais, je crois que plus personne ne dit rock'n'roll depuis... Non, mais c'est sûr, plus personne. Oui. Dit, oh, c'est rock. Non, oui, donc on reprend. Didier, toi qui es de la programmation, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce groupe qu'on a passé? Oui, c'est vrai, les auditeurs ne le voient pas, mais je bouge beaucoup en fait. Ça nous fait bien rire, nous, au moins. Alors, à propos de 58 Shots, eh ben, c'est un groupe de Belfort qu'on a eu l'occasion donc, de programmer la première année, notre première édition. Quoi. Et justement, on disait, on en parlait entre nous, on est impatient, bon, enfin, on a hâte de voir le regard en fait sur l'évolution du festival de la première année à cette année. On a hâte de voir qu'est-ce qu'ils en pensent, le ressenti, tous les changements monumentaux. Monumentaux, oui, au niveau de tout. Et puis sinon, bah, c'est un groupe qui fait du rock, du bon vieux rock, du rock and roll, 70s. Un peu aux accents Aerosmith, Led Zepp, toute cette période, quoi. Ouais. Donc voilà, on est super heureux de les retrouver. Bah, on est très heureux aussi que vous puissiez les retrouver. Et bah, les auditeurs ou les festivaliers pourront aussi les retrouver. Mais ce sera peut-être le moment de parler de prix d'entrée des billets, parce qu'on n'a pas encore abordé cet aspect-là. Alors, le pass un jour pour la journée, en fait, c'est 20 euros. Et le pass deux jours est à 30 euros. Donc on encourage tout le monde vivement à prendre le pass 2 jours, parce que ça vaut vraiment le coup pour voir 12 groupes telle notoriété. Non, 30 euros, c'est vraiment un prix plus qu'accessible quand même pour tous ces groupes. Quoi. Notamment Alstorm, Nashville Pussy, Acme, et même les groupes nationaux, et même tous les groupes locaux qu'on a, tous les groupes sont de qualité et très intéressants. Quoi. Et globalement, d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé, mais vis-à-vis des éditions précédentes, vous attendez combien de festivaliers pour cette année? Là, on en attendrait 5000. Exactement. Alors, on espère 5000 personnes. Quoi. L'année dernière, on était sur 2400. Comme on double, il nous faut... Voilà, on se base là-dessus, 5000 personnes. Eh bien, j'imagine que c'est tout à fait faisable. Et c'est possible donc de prendre les billets sur place et aussi de les prendre sur une billetterie en ligne, non? Ou même sur votre site internet? Oui, sur notre site, sapinbarbu.com. Dans les grandes surfaces habituelles, la Fnac, Cora, Leclerc, Carrefour, Cultura, tout ça, mais également sur le site. Sur le site France Billets, sur le site Ticketmaster. On encourage vivement les gens aussi à les acheter, avant les places. Ça leur permet d'accéder au site sans faire la queue. Donc c'est plus facile pour tout le monde, même pour nous d'ailleurs. Mais oui, évidemment, en effet, comme le dit Didier, c'est pas cher du tout pour... si les gens prennent un pass de jour, ça fait 12 euros le groupe. Il y a 15 groupes avant comptant ceux du camping. Ça fait 2 euros le groupe pour aller à un festival comme ça, c'est pas mal. C'est largement raisonnable en effet, mais j'ai vu aussi sur votre site sapinbarbu.com qu'il y a moyen de faire des dons. Donc je pense aussi aux auditeurs qui pourront peut-être pas se déplacer parce qu'ils seront en vacances, parce qu'ils travailleront. Il y a moyen aussi. La cause. Et oui, c'est important aussi de le souligner. Non mais évidemment, on peut faire un don. On en a beaucoup reçu en plus cette année. On est assez contents. Ça nous permet, comme je dis, c'est une année qui coûte très cher pour nous. C'est, comme je le disais l'autre fois, des confrères à vous. On ne se fixe pas, nous, de budget très défini en début. On établit un budget avec un comptable, le trésorier, on voit ça avec la banque, évidemment. Mais on met d'abord sur table nos envies. Donc l'envie d'avoir une grande scène de 18 mètres, l'envie d'avoir des nouvelles structures, d'avoir tel groupe. Et après, on se débrouille. Dans l'année, si on est en manque de pépettes, on se débrouille. Si en fin d'édition, on voit qu'on n'a pas réussi à avoir l'argent nécessaire pour couvrir l'événement, on se débrouille. Ça n'empêchera pas l'année d'après d'être aussi extraordinaire que celle d'avant. Mais voilà. Donc en effet, on peut faire des dons. Et on encourage les gens à le faire. Ce que je rappelle assez souvent, c'est que là, ça fait un mois qu'on y est tous les jours sur le site du festival. Il n'y a pas énormément d'événements, j'en connais pas beaucoup, moi, des événements où les bénévoles travaillent quasiment 15 heures par jour pour leur événement. Donc je parle pour ceux qui sont en vacances, évidemment. Mais pour ceux qui quittent le travail, qui nous rejoignent sur le site du Sapin Barbu pour travailler, ils renchaînent encore 5 heures derrière. J'avais un bénévole tout à l'heure, d'ailleurs, qui est venu et qui m'a dit « Je viens vous aider, je suis en vacances. » Je lui ai dit « T'es en vacances, donc tu viens bosser, toi. » Et il dit « Bah oui, hein, j'ai pas envie de venir juste le 17 ou le 18 squatter derrière la buvette, quoi. » C'est un peu ça, l'ambiance de l'association. Ouais. C'est-à-dire tout le monde met la main à la pâte, des heures, il y a énormément de travail. Et ça demande énormément d'argent, quoi. D'autres peuvent venir vous rejoindre. S'il y en a qui vous écoutent et qui aimeraient faire partie de l'aventure. Oui, comme toi, là, tu m'écoutes, tu veux faire partie de l'aventure. Non, mais évidemment. Et ça se fait tous les jours. Je reçois des formulaires de candidature tous les jours. Alors, ce que je demande... je leur demande souvent de venir sur le site du festival, justement. Venir voir ce qui se fait. Là, on a des bénévoles qui viennent nous aider la semaine. Il y a moi et Thibaut, on y est tous les jours. Enfin, même Nico, hein. Pas Didier. Mais... Je fais autre chose. Et y a des gens qui sont juste venus visiter le site, comme ça, voir l'avancement des travaux, ce qu'ils soutiennent un petit peu, et qui, en fait, viennent quasiment tous les jours nous aider maintenant. En fait, l'implication, elle se fait par le regard extérieur. Ça se fait tout seul. Donc, venez voir ce qu'on fait, et vous mettrez un pied dedans, et le pied gauche, en plus, ça porte bonheur. Puis même le pied des autres membres de la famille, on rigolait hier en se disant, tiens, on avait un mec qui est venu nous aider, qui est assez jeune, et le week-end suivant, il est venu avec son père. Nous a ramené son père, et il y avait le père et le fils qui travaillaient sur la scène, main dans la main, c'était très beau. Alors que c'était mal parti, apparemment il y avait des soucis familiaux, mais il paraît que ça a renoué des liens très forts. Ah bah, maintenant, ils sont... copains comme cochons. Les grands frères, c'est eux. Ça pas Barbie. Et ils nous ont donné 800 euros, je dis ça. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais... voilà. Ah, tout ça, c'est le moyen de soutenir. D'ailleurs, il y a quelqu'un aussi qui vous soutient, une auditrice nommée Zolveig, qui vous passe à tous le bonjour. Voilà. Mais bonjour. Et voilà, c'est une manière aussi de vous soutenir en espérant que les festivals continuent et que l'association ait toujours des jours meilleurs. Et d'ailleurs, Better Days, c'est le titre de la pause musicale suivante qu'on va s'écouter de Sticky Boys. Et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Yeah. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, et toujours en direct avec Didier, Thibaut, Jérôme, Nico et bien entendu Mika. Vous avez bien entendu écouter à l'instant le morceau Better Days de Sticky Boys. Oui, c'est ça, j'ai bien lu. Mmh. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet sur ce groupe-là, Didier ? Bah, Sticky Boys, ils font encore du rock, c'est dingue tout ce qu'il y a comme rock chez nous. Oh là là. Ils font du hard rock, ils font un rock entre hard rock, aux accents un peu punk rock par moment aussi. Et ils sont parisiens et c'est un groupe national qui monte aussi de plus en plus ces temps-ci, ces années-ci. Et c'est un groupe en vogue qu'il nous fallait pour notre festival. Ils ont aussi un univers assez... ça colle totalement à notre univers, un peu comme Alstorm, un peu comme Nashville Pussy. Ils sont assez délirants, en fait. Que si vous regardez un petit peu les clips, leur activité sur Facebook, leurs concerts, c'est totalement... Ils sont barrés, quoi, comme nous. Ouais. Donc on essaie de rechercher ça aussi. La musique et puis le côté festif, le côté... côté taré. Oui, le côté festif et taré, comme tu disais. Voilà. On n'aura pas le temps de passer tout le monde, mais je peux peut-être énumérer les différents groupes qu'il y aura. Ils sont 12 au total, je rappelle, sur les soirées de vendredi et samedi. Et on parlera des horaires juste après que j'ai énuméré tous les groupes. Donc, il y a Stone Deaf, il y a Dog and Style, Nashville Pussy, 58 Shots, Acme, Dick Tracy Lords, Sticky Boys, Rock or Bust, qui fait du AC/DC cover, Alstom, Snapborder, Dirty Deep et enfin Iron Bastard. Je pense que je ne me suis pas trompée dans mon énumération, c'est bien ça. Alstorm. Bon. Alstorm. Bon, après, pour ceux qui, comme moi, ont une mémoire des noms quelque peu défectueuse, le plus simple, ça reste d'aller voir sur Internet, d'acheter sa place en passant. Enfin, voilà, je dis ça comme ça pour être pratique. Tu dis ça, tu dis rien, bien voilà. Entendu. Et forcément, qui dit festival sur deux jours dit forcément horaire. Alors, qui de vous quatre se sentirait de me dire quels sont les horaires d'ouverture et de fermeture du lieu du festival, enfin, s'il y en a ? Eh bien, ça, l'ouverture des portes est à 16h pour les deux jours, quoi. Et fermeture à 2h du matin. Pas. C'est ça, voilà. Avec une fermeture du camping à 14h le dimanche. Oui, pour que tout le monde puisse, ouais. Puisse repartir. Le camping qui ouvre un tout petit peu plus tôt le vendredi vers 15h ouais. Et qui ferme à 14h le dimanche. Ouais. Que tout le monde ait le temps de s'installer aussi avant le c'est début ça. Des. Et d'émerger le dimanche. Aussi, oui, ça 14h, ça le plus je pense dur. Que c'est raisonnable. Vu que, il va s'en passer des choses. Hein. On a dit 12 groupes quand même sur deux jours, avec plein à manger, plein à boire aussi. Donc, tout le monde repartira avec la peau du ventre bien tendue. Du moins, moi, je l'espère pour vous, que tout se passe bien, comme je le disais. Et puis, tiens, j'ai peut-être fait le tour de quasiment toutes mes questions, mais je vois Mika, il a quelque chose à dire depuis le début. Donc, on va peut-être te laisser parler. Mika, il avait toujours, mais tu te rappelles, en plus, il avait toujours des questions à la... Hein toujours des questions bien pointues. Donc. Je suis votre démarche depuis le début. Et ce que je trouve intéressant, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que chaque année, c'est différent, vous évoluez de plus en plus. Est-ce que vous avez dans un petit coin de vos têtes d'autres festivals comme les Vieilles Charrues, ou, par exemple, qui ont commencé petit, dans un petit bled, une bande de potes, et qui est devenu un des plus grands festivals? Est-ce que vous avez... cet objectif-là, devenir un festival qui compte dans le pays? Alors on se pose la question assez souvent, moi je me la pose tout le temps. Le problème qu'on a, nous, justement, c'est qu'on vient de nulle part. En fait, on n'a aucune connaissance du métier. On apprend au fur et à mesure. Certains passent des formations, certains se documentent, certains sont autodidactes complets et lisent énormément de bouquins. Enfin, on apprend par nous-mêmes, on apprend de nos erreurs, tout ça. Mais en tout cas, il n'y a aucun... Moi, je ne suis pas producteur du spectacle à la base, ni je suis assistant d'éducation. Nicolas est magasinier, c'est le directeur technique. Thibaut, ton métier à la base, je ne me rappelle plus. Charpentier, voilà, c'est le responsable fabrication. Didier, je fais un peu de tout. Voilà. Responsable programmation, c'est pareil, c'est des métiers normalement. Oui. Nous, on n'y connaît rien. Donc, qui des festivals comme les Vieilles Charrues, le Hellfest, les Euros, qui partent comme ça, j'en connais pas. Mais après, j'en sais rien. En tout cas, par exemple, l'année prochaine, voilà pourquoi on a fait la grande scène cette année, c'est pour que l'année prochaine, on s'en remette à niveau chacun dans notre coin. Là-dessus aussi. Alors qu'on passe certaines formations, qu'on se documente un peu plus, qu'on s'en remette à chaque fois, je l'aime pas. Non, mais il est difficile, celui-là. Je l'aime pas. Mais personne ne l'aime, de toute manière. D'une manière administrative. À niveau, Il faut que voilà, on va se renseigner beaucoup plus, on va prendre le temps. Pour l'instant, c'est une année là, par exemple, où on s'est consacré sur la fabrication énormément, mais on a d'autres lacunes. C'est-à-dire que l'an prochain, il n'est pas fait pour qu'on se repose sur nos acquis. Il est fait pour qu'on consolide nos acquis. Voilà. Et que vous continuiez à évoluer, à avancer. Avec à chaque fois, je le disais, des nouveautés. Et juste, hein, je faisais le parallèle parce que moi, vraiment, les vieilles charrues, c'était des élèves. Au début, c'était une fête étudiante. Donc, moi, vous êtes un peu plus âgé que les étudiants, mais vous êtes encore jeune. Ouais. Et c'est vrai que moi, j'ai eu ce flash, comme je disais à Didier avant l'émission, ce parallèle, parce que je vous vois grandir chaque année, faire venir des affiches de plus en plus importantes, et j'ai vraiment l'impression que vous allez droit vers cet objectif. Alors, en fait, ça dépend même pas, j'allais dire, c'est grâce aux festivaliers qui viennent de plus en plus, mais je pense que c'est grâce aux bénévoles aussi, surtout. Je pense que les bénévoles ne viendraient pas aussi nombreux à la fabrication avec un tel engouement, une telle énergie. Et il y a des bénévoles, des responsables de l'association qui se mettraient à décliner, ça serait compliqué pour nous. Mais il y a une énergie dingue dans cette association. Ça n'arrête pas. Tout le monde veut que ça évolue et tout le monde met la main à la pâte. Les bénévoles viennent de plus en plus nombreux. Et ils ne viennent pas que le soir, enfin, pas tous. Ceux qui peuvent, en tout cas, ne viennent pas que le soir nous aider. Ils viennent toute l'année nous donner des coups de main. Nous, la communication, on n'a plus le temps de s'en occuper, par exemple. Je veux dire, le street marketing, le fait de distribuer des flyers. Il y a énormément de bénévoles qui le font après le boulot jusqu'à 19h. C'est dingue. Donc, on verra. Après, c'est une histoire, le sapin barbu. Donc, pour l'instant, elle évolue. On en est aux péripéties. Et jusqu'où ça ira, j'en sais rien. Et votre démarche est vraiment chouette, hein, on le redit, hein, puisque vous voulez mettre en avant le patrimoine local. Donc, il y a ça aussi derrière qui fait que c'est une belle aventure. Ça se serait arrêté, je pense, assez tôt si on avait continué à louer des chapiteaux. On n'avait plus rien à raconter à ce niveau-là, nous. À partir du moment où on s'est mis à fabriquer nos structures, là, on a tout le temps des choses à refaire et tout le temps des choses à rajouter. Donc, on prend un plaisir dingue. Et l'année prochaine, on va faire énormément de décorations. On va enrichir énormément le festival là-dessus. Et là, on va prendre notre pied l'année prochaine. Là, c'est énormément de boulot et très, très fatigant pour nous en ce moment. L'année prochaine, ça va être un grand kiff. Il y a plus d'un millier de pièces de bois à faire pour la ringue, pour la grande scène. L'an prochain, on va pouvoir faire pas juste plein de fois la même chose très fatigante, juste des tas de trucs trop cool. Mmh. Là, on va pouvoir s'amuser tout en faisant du travail administratif qui est pour conforter les acquis. Donc ça se verra quand même ce qu'on va faire l'an prochain. Pour ceux qui croyaient que du coup on allait rien foutre et faire la même chose que cette année. Non, on va continuer à s'amuser à fabriquer des trucs. T'as quand même un accent de malade. Hein. Ouais. Ah oui, non, c'est bien parce qu'on amène le patrimoine de vos gens à la radio quand même. Hein. Ouais, je représente. Mais on va continuer à s'amuser, à prendre son pied, surtout le 17 et 18 août pour le 5e festival des sapins barbus. Et vous avez parlé de têtes d'affiches, de grosses affiches juste avant, donc on va s'écouter un morceau de Alstorm. Dernière date de leur tournée européenne qui se fait chez nous quand même. Oh là là. Et d'ailleurs, on va se passer un morceau pas forcément choisi au hasard. Il fait très chaud aujourd'hui. Je pense que l'hiver commence à manquer à certains. Donc c'est le morceau Magnetic North qu'on va s'écouter. Et on se retrouve juste après sur Radio Gemozo. The snow fell hard on a frozen sea as the night swarmed all around. With no moon to guide our passage north, this corpse of mine may never be found. Far beyond the ice and snow, the voyage carries as the sun rose to the sky. Trapped forever in the sea of ice, this is the place where we will die. Et vous êtes de retour sur Radio Gamozo 107 FM. C'est un extrait de Magnetic North de Hellstorm que vous avez écouté à l'instant et que vous pourrez toujours écouter le 17 ou 18 août. Tiens, ce sera quel jour, Didier ? Ce sera le samedi 18 août, Hellstorm, à 21h30. Ah ah, qu'on a hâte d'écouter, vu qu'ils seront le 18 août pour le 5e festival des sapins barbus à la zone de la Bruche à Dommartin-Lire-Miremont. Oui, on va devoir tout doucement s'arrêter là, encore qu'après le générique, on passe un dernier morceau de Dirty Deep. On n'aura pas passé tout le monde, mais on en aura quand même passé beaucoup. Et oui, donc avant de passer à la programmation de la soirée, on peut peut-être rassembler à nouveau toutes les informations qu'on a données, donc les tarifs des billets, les horaires, peut-être le site internet, votre page Facebook. Est-ce que Mika, il faut que je rajoute d'autres informations? Les personnes à mobilité réduite. Oui, que c'est pour les PMR. C'est déjà pas mal. Qui peut me rassembler un petit peu toutes ces informations pour les derniers auditeurs? Tarifs, donc à 20€ par jour, 30€ le passe de jour. La date 17-18 août, à Dommartin-Lire-Miremont, zone de la Bruche. Les horaires, 16h, ouverture, 18h, le début des concerts jusqu'à 2h du matin. Il y a aussi le jour du camping. Voilà, un camping accessible gratuitement, avec trois autres groupes. De midi à 16h, midi à 14h, 16h. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info? Le fait que c'est trop bien, quoi. Faut venir, c'est trop bien. Et la facilité pour acheter les places, hein, c'est vrai que il y a des fois pour certains festivals, on peut avoir des soucis. Là, comme tu le disais tout à l'heure, Jérôme, toutes les billetteries sur votre site, déjà, c'est bien, parce que comme ça, vous avez les infos et en même temps, vous achetez votre place. Complètement. Non, on est content de ça. En plus, elles se vendent super bien. C'est une année complètement folle. On est le dernier festival en août, enfin, un des derniers festivals en août. Donc, on a toujours peur que les gens n'achètent pas leur place ou attendent le dernier moment pour voir le temps qu'il va faire. Cette année, les ventes de billets explosent, donc on est sûr d'avoir du monde. Ça va être très bien. Puis manger une bonne tofaille avec une bière sapin barbu. Voilà, ou un bon burger. Elle est ambrée, hein, la sapin barbu. Elle est ambrée, tout à fait. Oui, on va, comme je disais, on va la développer. On reviendra ici pour en parler. On viendra en effet ici pour en parler vu que l'émission touche tout doucement à sa fin et d'ailleurs on entend le générique qui pointe le bout de son nez. Et donc c'est déjà l'heure de faire la programmation puis générique et enfin on va passer un dernier morceau, Muddy Water de Dirty Deep, voilà, pas que je me mélange dans mes notes. Et donc comme je le disais pour la programmation, la prochaine émission c'est à 20h, c'est le calendrier des esclavages et des libérations avec François, suivi de minuit à 1h, la rediffusion de La Bulle de l'IA qui fait une émission spéciale en effet. Demain est son dernier jour en tant que salariée dans nos locaux, mais apparemment elle continue quand même ses émissions, vu que demain matin 7h-8h, rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant, qui sera encore rediffusée ultérieurement quand même la semaine du festival, je pense, pour rappeler un petit peu aux auditeurs toutes les informations nécessaires. Puis à 8h ce sera Minute Bonheur de l'IA et enfin 8h30 la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et demain, hein, ce sera aussi mon dernier jour parce qu'après je pars en vacances. On va parler d'un autre festival, le Festilac de Saulsure. Forcément, c'est les deux qu'il fallait bien que je couvre. Donc pour en savoir plus, on se donne rendez-vous demain 18h, 19h de bonne humeur. Mais on est toujours avec les sapins barbus et leur festival. Et comme je le disais, on va se passer un morceau après le générique. Mais en tout cas, merci beaucoup tout le monde, Didier, Thibaut, Jérôme, Nico, Mika, bien entendu, et aussi tous les auditeurs, hein, Vosgiens comme Alsaciens, c'est toujours avec plaisir qu'on a vos retours. Enfin voilà, merci beaucoup pour votre bonne humeur, votre présence. Merci à toi. Merci bien. Et bon, bah, sinon, on se dit bonne soirée et à demain tout le monde. Ciao. Salut.